Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Eleanor Roosevelt, première dame moderne de l'histoire des États-Unis. Eleanor Roosevelt, il faut savoir que c'est la First Lady la plus marquante de l'histoire des États-Unis. C'était une féministe, une activiste, une journaliste, une polémiste. Elle était conseillère politique de son mari. C'est Eleanor Roosevelt qui est considérée comme la plus significative des First Lady, celle qui a le plus aidé d'Américains, qui s'est battue pour les femmes, les pauvres, les noirs, les plus démunis. Vraiment, ça a été une première dame archi-active. La journaliste Esther Bégin à l'émission Médium Large en juin 2012, première dame des États-Unis de 1933 à 1945, Eleanor Roosevelt va participer activement à la présidence de Franklin D. Roosevelt. Plus à gauche encore que le père du New Deal, Eleanor Roosevelt dérangera dans certains milieux. Le très puissant directeur du FBI, Edgar Hoover, la fera même surveiller. À la mort de son mari, Eleanor Roosevelt va travailler au développement de l'Organisation des Nations Unies et elle jouera un rôle central dans l'adoption, la déclaration des droits de l'homme de l'ONU en 1948. On a dit de vous, Madame Roosevelt, maintenant que vous êtes presque l'incarnation nationale de la sagesse, du sens pratique. Ah oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est un peu exagéré. Mais si on vous posait des questions rapides, par exemple, sur le monde d'aujourd'hui, quel est le premier problème, à votre avis? La paix. Et aux États-Unis? La paix. Pour tout le monde, alors. Pour tout le monde. Eleanor Roosevelt, en entrevue avec René Lévesque à l'émission Premier Plan en 1960, pour nous présenter le parcours exceptionnel d'Eleanor Roosevelt, vraiment une femme hors du commun. Mon invité est l'historien André Champagne. André Champagne, bonjour. Bonjour, Jacques. On l'entend bien dans cette entrevue en 1960 que René Lévesque fait avec Eleanor Roosevelt. À ce moment-là, cette femme-là est l'une des voix les plus importantes des États-Unis. Pourquoi elle est importante dans l'histoire des États-Unis? Bon, parce qu'elle était la conscience sociale de son mari, mais au moment où René Lévesque fait cette entrevue, elle est reconnue comme la femme la plus influente au monde. Et ça, c'est des sondages internationaux. Elle est l'incarnation vraiment de tout ce qu'il y a de bon dans la société américaine. Au fond, c'est un peu c'est la bien-pensance de l'Amérique. Oui, il y a l'expression anglaise, c'est elder statement. Elle est effectivement la conscience, si vous voulez, de l'Amérique. Comment il se fait que vous parlez si admirablement le français? Oh, je ne parle pas admirablement le français. Malheureusement, je ne parle pas assez souvent pour parler admirablement. Mais est-ce que vous l'avez... Ça revient. Mais j'ai parlé le français avant que j'ai parlé l'anglais. Avant? Oui, j'étais très petite. J'avais une bonne française. Alors, je parlais le français. Et depuis ce temps-là, j'ai toujours parlé un peu. Mais il y a de longues... moment que je n'ai pas parlé et j'oublie les mots très souvent. Mais ça reste dans votre oreille. Oui. Et je suis contente que j'ai appris le français comme ça parce que je n'ai pas besoin de savoir la grammaire si bien. Je l'entends et je n'ai pas besoin de la grammaire. Ça vient par réflexe. Oui. À nouveau, Eleanor Roosevelt au micro de René Lévesque en 1960. André Champagne, on l'entend là. Eleanor Roosevelt, elle parle français, elle a eu une bonne française, elle va fréquenter les meilleures écoles privées. Elle appartient vraiment, André, à la grande bourgeoisie américaine. Oui, c'est une fille de grands patriciens. Les Roosevelt sont des descendants de colons hollandais arrivés au 17e siècle. Son père, Elliot, est le frère de Teddy Roosevelt, qui sera président à partir de 1901. Une grande famille. Grande famille. Sauf que ce qui est un peu étonnant dans son parcours, c'est que sa mère, qui était une mondaine... très belle femme. Qui était une très belle femme, reprochait pratiquement à sa fille de ne pas être une grande beauté. Et il lui a fait comprendre assez rapidement qu'elle devait développer son intellect, qu'elle devait développer son esprit, sa conversation pour devenir intéressante. Tu n'es pas belle, sois intelligente. Exactement. Et puis, elle qui vénérait son père, son père, malheureusement, c'était un alcoolique fini. C'était un homme qui était toujours absent, qui était toujours parti en voyage, qui était incapable vraiment d'assumer son rôle de père et qui a déçu sa fille jusqu'à sa mort. Donc, elle a eu une enfance et une adolescence, somme toute, relativement difficiles. Voilà. Avec cette contradiction, beaucoup d'aisance, des moyens, une jeunesse dorée sur le plan financier, mais très malheureuse parce qu'orpheline de ses deux parents, la mère va mourir aussi très jeune. Elle va développer, par ailleurs, Eleanor Roosevelt, très, très jeune, sa sensibilité aux questions de justice sociale. Son passage, André, dans une école privée d'Angleterre va être déterminante à cet égard-là. Oui, c'est une école privée pour enfants de riches qui est dirigée par une enseignante française, Marie Souvestre, qui, elle, a décidé tout simplement d'ouvrir cette école-là pour les enfants de l'establishment britannique et de l'establishment américain. Et elle va prendre en affection Eleanor Roosevelt. Elle va reconnaître en elle une jeune fille brillante, une jeune fille curieuse intellectuellement. Et elle va largement contribuer à développer encore plus sa conscience sociale. Pourquoi? Parce qu'elle va la prendre sous son aile. Elle va l'amener en voyage en France, en Italie. Elle va lui faire visiter les quartiers pauvres des grandes villes françaises, des grandes villes italiennes. Et elle et cette dame-là, Marie Souvestre, inculquait à ses filles de milieux très favorisés que quand on est dans un milieu favorisé, quand on est dans l'abondance de la richesse, on doit rendre à la société en s'impliquant socialement. Mmh. Donc, cette idée que cette fille de patricienne-là devait s'impliquer socialement, ça vient largement de Madame Strouvès et également de son oncle Teddy qui partageait les mêmes convictions. Et elle le fera évidemment tout au cours de sa vie. Elle va épouser son cousin éloigné, parce que Franklin D. Roosevelt, c'est le cousin éloigné d'Eleanor Roosevelt. Ça se passe en 1905. Ce qui est fascinant quand on sait ce qui va suivre, c'est que les 15 premières années de cette vie conjugale, on a là, durant ces 15 ans, André Champagne, la parfaite petite épouse soumise. Oui, en principe, oui. D'autant plus que la belle-mère est extrêmement présente. Et puis la belle-mère lui fait comprendre que c'est bien beau, c'est cause humanitaire, c'est cause sociale, mais maintenant que tu es l'épouse d'un futur politicien qui sera même élu à l'Assemblée de New York, qui sera même secrétaire à la marine, sous-secrétaire à la marine dans l'administration de Woodrow Wilson, elle lui fait comprendre que là, tu dois te comporter vraiment comme une dame de ton rang. Tu dois d'abord et avant tout devenir une mère puis t'occuper de tes enfants, ce qui ne lui plaît pas vraiment. Et puis... Elle en aura quoi? 6 enfants? Elle en aura 6 enfants, dont un qui mourra avant l'âge d'un an. Donc, elle aura 4 garçons et une fille. En 1918, il y a un événement qui va être très, très important. Tout bascule dans le couple Roosevelt. Que se passe-t-il, André Champagne? C'est que elle passait ses étés à Campobello. Les Roosevelt avaient une résidence à Campobello, au Nouveau-Brunswick. Et étant donné la charge de son travail, elle lui avait dit « ça serait peut-être une bonne idée que tu aies une secrétaire qui puisse s'occuper de ta correspondance puis qui puisse te suivre en voyage à Franklin puis qui puisse s'occuper de toi quand je suis absente. » Le problème, c'est que la dame qu'elle a choisie, parce que c'est elle qui l'a choisie, Lucy Mercer, c'était une très belle dame. C'était une femme brillante, c'était une femme qui avait beaucoup d'esprit. C'était une femme qui, évidemment, a exercé un certain charme sur son mari. Et ce que Franklin Delano va toujours reprocher à Eleanor, c'est qu'Eleanor, c'est pas une mondaine. C'est une femme qui avait même horreur des mondanités. Et tout l'aspect, si vous voulez, de sociabilité, de mondanité, qu'est-ce que ça impliquait d'être l'épouse d'un politicien, ça, elle avait beaucoup de difficultés à composer avec ça. Alors que Lucy Mercer, c'est exactement le contraire. Elle était effervescente et elle aimait le côté mondain de Franklin Delano. Et étant donné qu'elle passait l'été à Campobello avec les enfants et que Franklin Delano était seul à Albany et à Washington avec Lucy Mercer, ce qui devait arriver, arriva. Et au retour d'un voyage en Europe qu'avait fait Franklin pour suivre les troupes américaines, elle défait ses valises et en défaisant ses valises, elle voit une série de lettres adressées par Lucy Mercer. Alors, elle, curieuse, elle décide de les lire et c'est là qu'elle découvre l'infidélité de son mari. Donc, elle le confronte, elle lui propose tout simplement le divorce et puis Franklin Delano alors est littéralement estomaqué. Mais là, c'est Mme Roosevelt qui va intervenir. Mme Roosevelt fait comprendre à Eleanor et à son fils que chez les Roosevelt, le divorce, ça n'existe pas. Donc, c'est pas très bon pour la carrière politique non plus. Exactement, parce que ses ambitions présidentielles seraient à toute fin pratique annulées. Donc, conséquemment, il décide de continuer de rester époux et femmes, mais de faire leur vie chacun séparé. Et Franklin Delano prend l'engagement solennel de ne plus jamais voir Lucy Mercer. Ouais. Il y a un autre... Donc ça, c'est une première charnière, un premier point tournant important, la découverte de cette liaison en 1918. Il y a un autre point important, une autre charnière, c'est au début des années 20, Roosevelt qui est frappé de la poliomyélite. À partir de ce moment-là, vraiment, Eleanor sort de l'ombre. Quel rôle elle va occuper dans concrètement, André Champagne, parce que c'est véritablement le cas, quel rôle elle va occuper dans l'ascension politique de Franklin? Bien, dans un premier temps, c'est le support moral. C'est le support moral et puis c'est l'aide qu'elle lui apporte. Et elle lui dit, il y a sûrement une façon, il y a sûrement des traitements qui pourront se développer qui te permettront de retrouver tes deux jambes, d'être capable de te tenir debout. Donc, elle va vraiment l'encourager sur le plan médical, sur le plan de la santé. Mais elle va, à partir de ce moment-là, elle va décider de s'impliquer politiquement pour maintenir dans l'opinion politique américaine, pour maintenir dans la classe politique américaine et surtout chez les démocrates de l'État de New York que son mari, malgré la maladie, son mari a encore un rôle à jouer. Donc, elle va agir comme représentante. Elle va s'impliquer dans l'organisation des femmes pour le Parti démocrate de l'État de New York et elle va multiplier les conférences, les discours. Elle va participer à toutes sortes d'assemblées. C'est sa doublure, au fond. C'est parce que lui, exactement. Il est dans un fauteuil roulant. Et elle va tout simplement... Elle devient, si vous voulez, sa porte-parole, son représentant. Ouais. Bon, il réussit quand même, donc, au fil du temps, à se faire une place. Franklin D. Roosevelt, secondé par Eleanor. Il est élu président en 1932. Et dès son arrivée à la Maison-Blanche, en janvier 1933, Eleanor Roosevelt, vraiment... On peut dire, je pense, qu'elle invente, réinvente, mais plus que ça, elle invente la fonction de première dame, telle qu'on la connaît, la première dame moderne. Elle est hyperactive, André Champagne. Elle est hyperactive. Bon, écoutez, elle va faire en tout et partout, écoutez, 348 conférences de presse entre 1933 et 1945. Elle va tenir une chronique quotidienne qui sera publiée dans plus d'une quarantaine de journaux américains intitulée My Day. Et elle va lancer ce qui va devenir une tradition, c'est-à-dire des conférences de presse, mais réservées aux journalistes féminins qui couvrent la politique à Washington. Et elle va devenir, si vous voulez, un peu les jambes de son mari. Ouais. C'est-à-dire que son mari, qui va initier les programmes qu'ils vont faire ce que le New Deal sera, elle va tout simplement parcourir les États-Unis, se promener un peu partout, aller visiter les régions rurales, aller visiter les régions les plus reculées des États-Unis, porter la bonne parole du New Deal, mais surtout voir de ses yeux si les programmes du New Deal ont vraiment un impact concret puis un impact positif. Et elle va également prendre position en faveur des démunis, en faveur des pauvres, en faveur des Noirs. Et tous les matins, elle va laisser des espèces de mémos à son mari, lui disant « Il y a tel problème dans telle région, il faudrait que tu t'en occupes », et ainsi de suite. Et elle va multiplier les initiatives en faveur des gens qui pourraient être les laissés pour compte, les oubliés du New Deal. Elle est très, très progressiste, probablement plus que Franklin D. Roosevelt lui-même. Progressiste à un point tel que le très puissant directeur du FBI, Edgar Hoover, va l'associer à la frange communiste en Amérique à ce moment-là, progressiste, des relations aussi qu'elle aura qui vont déranger ce même Hoover. Il va la mettre carrément sous enquête. C'est-à-dire qu'est-ce qui dérange tant, en fait, chez Eleanor Roosevelt? Hoover n'aime pas son côté progressiste, mais Hoover déteste plus particulièrement son engagement en faveur des Noirs. J. Edgar Hoover est un raciste invétéré. C'est un homme pour qui toutes les associations noires, comme la National Association for the Advancement of Colored People, dont elle sera membre elle-même, c'est une organisation communiste. Donc, pour Hoover, il n'est pas question d'aider d'une façon ou d'une autre les Noirs. Donc, son engagement en faveur des Noirs la dérange. Et également, c'est qu'elle entretient des relations. Elle aura une relation avec un jeune Américain, Joseph Lash, qui est un Américain progressiste, qui a appartenu à une organisation qui était liée indirectement au Parti communiste. Et Hoover est convaincu qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une liaison extra-conjugale entre Joseph Lash et Eleanor Roosevelt. Et il va même faire poser des micros dans un hôtel de Chicago où apparemment il y aurait eu une relation extra-conjugale entre Madame Roosevelt et le jeune Joseph Lash. On ne le sait pas. Ouais. C'est une question d'interprétation. Mais toujours est-il qu'il y aura un acharnement. À la mort de Hoover, on s'apercevra que le dossier consacré à Eleanor Roosevelt fait plus de 3000 pages. Elle était suivie dans tous ses faits et gestes. Il avait une véritable obsession pour elle. Et puis, il y aura aussi, elle entretiendra une relation étroite. Là encore, il y a certains questionnements avec une journaliste progressiste. Lorena Haycock, oui. Ça aussi, ça fait partie. Oui, ça fait partie. Pourquoi? Parce que Lorena Haycock était reconnue comme une lesbienne. C'est une femme qui était particulièrement entichée d'Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt lui écrira 2336 lettres. Elles feront ensemble un voyage dans la province de Québec. Elles visiteront la Gaspésie. Et ça, sans garde du corps, les deux qui partiront avec la voiture d'Éléonore. Et il y aura même un certain moment où elle vivra à la Maison-Blanche. Et quand on lit certaines lettres échangées entre les deux, il y a de quoi se poser des questions. Mais là, on est dans le domaine des conjectures. Un mot encore sur sa collaboration avec le président. Quel est son réel degré d'influence, André Champagne? Elle a beaucoup d'influence sur le plan de la législation sociale, sur le plan de l'aide aux pauvres, jusqu'au déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Mais à partir du moment où les États-Unis s'implique dans la guerre suite à l'attaque de Pearl Harbor, à partir de ce moment-là, elle n'aura pratiquement plus d'influence. Pourquoi? Parce que la priorité des priorités de Franklin Delano Roosevelt, c'est de remporter la guerre. Et les réformes du New Deal seront soudainement beaucoup moins importantes, d'autant plus que la participation à la guerre, et de toute façon même depuis le début 1939, la Deuxième Guerre mondiale va, à toute fin pratique, relancer l'économie américaine, puis le chômage va disparaître. Donc, c'est moins important. Mais le rôle qu'elle jouera pendant la guerre, ce sera tout simplement d'aller visiter les troupes. Plus particulièrement, elle fera une grande tournée du théâtre de guerre du Pacifique et elle deviendra, si vous voulez, la porte-parole de son mari. Et puis après la guerre, à la mort de son mari en 1945, il y a comme une deuxième carrière qui s'ouvre pour Eleanor Roosevelt auprès des Nations Unies, beaucoup, où elle va travailler à la rédaction et à l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Si nous réussissons à avoir pas seulement une déclaration, mais un pacte, je crois que l'homme dans la rue verra une différence. Une déclaration aura une force morale. Et déjà, je crois que dans le monde entier, il y aura bien des choses qui changeront pour tout le monde et qui s'amélioreront. Je crois qu'on a fait un pas très avancé lorsqu'on nous a réunis et lorsque nous avons commencé notre travail. Et chaque fois que nous continuons de travailler, j'ai le sentiment que nous arrivons à plus de compréhension entre nous-mêmes et que ça a un grand avantage pour l'humanité en général. Eleanor Roosevelt, en entrevue à Radio Genève en 1947, elle est alors présidente de la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Quel rôle elle va jouer, André Champagne, dans l'adoption de cette Déclaration universelle des droits de l'homme? Bon, elle dirigeait cette commission-là. Elle tiendra tête au délégué soviétique, camarade Vyshinsky, qui était le procureur de Staline, qui avait dirigé les grands procès de Moscou. Et c'est elle qui va vraiment faire comprendre que cette déclaration-là doit englober et les hommes et les femmes. Parce qu'au principe, quand on a commencé à rédiger la déclaration, la déclaration disait que c'était « the rights of man ». Et elle a dit non, ça doit être « the rights of human being ». Donc, elle voulait que la déclaration englobe le plus de monde possible, malgré les différences politiques, malgré les différences religieuses. Mm-hmm. Et elle réussira à tenir tête à toutes les délégations qui avaient des objections de caractère religieux, de caractère politique, et elle va faire comprendre que cette déclaration-là est extrêmement importante, d'autant plus qu'on sort d'une guerre qui a fait 45 à 50 millions de morts, qui a permis l'extermination des Juifs, et qui fait en sorte que la conscience humanitaire doit être interpellée et que cette nouvelle organisation, qui est l'Organisation des Nations Unies, doit justement faire la promotion de cette idée nouvelle que sont les droits de l'homme. Et elle croit en fait à cette organisation, l'ONU. Elle a une vision où sur certains dossiers, c'est pas de la gouvernance internationale, mais c'est de la coopération internationale, où pour elle, il est évident que dans le contexte de l'après-guerre, il y a pour certains dossiers nécessité de travailler entre nations. On l'écoute à nouveau à ce sujet en entrevue avec René Lévesque en 1960. Pourriez-vous nous dire en deux mots là, pourquoi, à votre avis, il faut les Nations Unies? Oh, je crois qu'il faut les Nations Unies parce que c'est le seul endroit, par exemple, où nous pouvons vraiment travailler pour arriver à avoir le désarmement. Nous ne pouvons pas travailler en dehors des Nations Unies. Est-ce que vous voulez dire qu'un jour ou l'autre, il faudrait qu'on arrive à une organisation du monde comme dans un pays avec une loi et... Je crois qu'il faut avoir pour certaines choses une loi internationale. Et des tribunaux, alors. Et qui est absolument pas une question de si vous voulez, mais que vous avez accepté. Mais est-ce que ça ne veut pas dire ça un jour, un gouvernement mondial? Non, je ne crois pas. Parce qu'on le limite à les choses qu'on se décide sont nécessaires pour être réglées de cette manière-là. Et on retient les choses domestiques dans son gouvernement. Alors, essentiellement, ce serait le désarmement et la paix. Oui. Alors, quelle est sa vision? C'est intéressant. Elle voit, non, c'est pas de la gouvernance internationale, dit-elle à René Lévesque, mais oui, sur certains dossiers, il faut travailler entre nations. D'ailleurs, elle prendra position sur la question de la création d'Israël, par exemple. Mais, oui. Mais quelle est sa vision? Bon, par exemple, concrètement, de 1945 à 1960, elle est la grande apôtre de la décolonisation. Oui. Pour elle, le temps des empires coloniaux, c'est terminé. Donc, elle incite le gouvernement britannique, le gouvernement français, le gouvernement belge, à se défaire de leurs empires coloniaux. Elle est également pour une meilleure redistribution des richesses à l'intérieur, au niveau international, mais aussi à l'intérieur des pays. Par exemple, dans ses tournées en Inde, elle va faire comprendre à la classe dirigeante indienne que les inégalités sont inacceptables. Aux États-Unis, elle va appuyer Martin Luther King et tout le mouvement pour les droits civiques dès 1954-1955. Donc, son implication, c'est une implication pour toutes les causes humanitaires, toutes les causes nobles. Elle s'inscrit contre toute forme d'injustice, où que ce soit au niveau des nations, à l'intérieur des nations, comme au niveau international. Ouais. Elle est, quelque part, elle est la conscience humanitaire, non seulement aux États-Unis, mais de la planète. Et c'est pour ça qu'elle est reconnue comme la femme la plus influente de la fin des années 50, pratiquement jusqu'à sa mort en 1962. Aujourd'hui, André Champagne, les petits Américains, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit quelque chose d'Eleanor Roosevelt dans les écoles aux États-Unis? Qu'est-ce qui reste de cette figure-là aujourd'hui? Très peu. Pourquoi? Parce que si on regarde, par exemple, les biographies qui ont été écrites, ce sont des biographies qui ont été faites par des historiennes ou par des journalistes. On parle énormément du New Deal, on parle énormément de son mari. Sauf que depuis les travaux de cette historienne, Madame Blanche Cook, c'est sûr qu'elle est revenue un peu sur la sellette, mais de son vivant et jusqu'à aujourd'hui, elle est restée dans l'ombre de son mari. Pourquoi? Parce que Franklin Delano Roosevelt, il est reconnu comme un des plus grands présidents de l'histoire des États-Unis. Mais étant donné que dans les universités, depuis les années 70, on a développé les centres d'études des femmes, ce que les Américains appellent les gender studies, c'est sûr que maintenant, on commence à reconnaître la place qu'elle mérite et c'est une place énorme. André Champagne, historien, collaborateur régulier d'Aujourd'hui l'Histoire. Merci beaucoup, André. Je vous en prie. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Michael Tremblay, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Charles-Antoine Lemay. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.